Marre des radios ringards? Écoutez-nous et faites la différence sur Radio Heavy Metal. Metal Express avec Eric. Eh bien, amateurs de hard rock, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver, donc, comme chaque lundi, de 19h à 21h. Vous êtes sur Radio Heavy Metal. Radio Heavy Metal a aussi des partenariats radio. Il y a Radio Fréquence Zik, un des Spirits, et Canal Fuzz Radio. Donc ce soir, ce sera le spécial Metal 80, donc, comme chaque premier lundi du mois. Et on va s'en mettre plein la tête. Je rappelle également que Radio Heavy Metal a sa page Facebook, mais ça vous le savez, puis il y a également la page Facebook du Metal Express. Si vous avez envie de me laisser un petit message, vous n'hésitez pas. Allez, on va attaquer avec un groupe britannique, le groupe Judas Priest, avec le morceau Rack Hard, Ride Free. C'est sorti en 1984 et c'était leur 9e album. Allez, bonne écoute dans le Metal Express. C'est Eric avec vous pour vous accompagner jusqu'à 21h. We'll be right back. Rock Hard, The Ride Free, le groupe Judas Priest. Allez, voici les Américains de The Roots. Et le morceau qu'on écoute s'appelle Let Them Eat Metal. Bonne écoute! Ce morceau donc porte le nom d'album Let Death Meet Metal, le groupe The Roots. C'est sorti en 1984. Voici Saxon maintenant avec Crusader. Allez, bonne écoute dans le Metal Express. We'll be right back. Voilà, c'était Saxon avec le morceau Crusader, un excellent album donc qui était sorti en 1984 et qui portait également le nom Crusader. Allez, maintenant on va passer à AC/DC, ce morceau s'appelle Sense for the Man. Ce morceau, je vais un peu le dédier à Stéphane Michel, animateur sur Radio Fréquence Zik, le samedi et dimanche de 10h à 12h. Vous pouvez donc écouter son émission Fréquence Matin, si je me trompe. Et puis également, il a une émission qui s'intitule le Blues Night Show tous les 15 jours, le mardi de 20h à 22h. Et je vous recommande cette émission parce que franchement, elle est excellente. Il y a du hard rock, il y a du rock. Franchement, je vous le reconseille. Allez, voici AC/DC. Et ça, c'est pour toi, Stéphane. Metal Express, le groupe AC/DC avec Sense for the Man. Ce morceau, donc, je l'ai dédié à Stéphane Michel. Donc, son émission, ça s'appelle Steph Matin. Il est donc animateur sur Radio Fréquence Zik. Si vous voulez écouter cette radio, donc c'est www.fréquencezik.com. Donc vous pouvez écouter Stéphane Michel, son émission Steph Matin, le samedi et dimanche de 10h à 12h. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a également une émission qui s'appelle le Blues Night Show. C'est tous les 15 jours, le mardi de 20h à 22h. Et c'est une émission excellente parce qu'il y a du hard rock, du rock. Donc je vous la recommande. Allez, on va passer maintenant avec un groupe qui s'appelle le Virgin Steels. Et ce morceau qu'on va écouter s'appelle Picture on You. Allez, bonne écoute. « les Américains donc de Virgin Steel avec le morceau Picture on You. Donc c'est un album qui s'appelait également Virgin Steel et il est sorti donc en 1982. En attendant, voici Accept et le morceau qu'on va écouter s'appelle Losers and Winners. Qui est le cinquième album du groupe allemand de heavy metal, Accept est sorti en 1983, donc cet album est généralement considéré comme un des meilleurs du groupe, aux côtés des albums comme Metal Hearts ou bien voir encore Restless and Wild et puis Breaker. Reste à l'écoute, on revient juste après ça. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Allez, voici Motorhead, ça s'appelle Ace of Spades. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Ace of Spades, donc le groupe Motorhead avec Lemmy Kilmister donc, qui nous a quittés en 2015. Allez, voici maintenant un groupe français qui s'appelle Warning, extrait de leur deuxième album pardon, avec le morceau Bahamas Memorial. Today. Le groupe s'appelait donc Warning, l'album s'appelait Warning 2, c'est sorti en 1982 et franchement c'était excellent. Allez, voici maintenant Monsieur Ozzy Osbourne et le morceau qu'on va écouter s'appelle Mr. Crawley. Bonne écoute et je vous rappelle donc aujourd'hui c'est le spécial Metal 80. You're waiting on Satan's door. de son vrai nom, donc John Michael Osborne, surnommé Ozzy. Il est né le 3 décembre 1948. Donc, il a été surnommé The Prince of Darkness en référence aux fresques de sa vie privée, de ses prestations sur scène. Donc, allez, on va attaquer maintenant avec Manowar et ça s'appelle Metal Days. L'album s'appelle Battle Hymns, le groupe Manowar donc, et c'est sorti en 1982 et le morceau qu'on a écouté s'appelait Metal Days. Allez, voici Metallica et ça s'appelle Twinkle in the Eyes. Bonne écoute et c'est le spécial Metal 80. Morceau donc de Metallica, Trapped Under Ice, extrait de l'album The Ride the Lightning, le deuxième album, donc un superbe album avec également un album que j'adore aussi, c'est le Master of Puppets. Pour moi, les trois premiers albums du Metallica sont excellents. Après, c'est à voir. Allez, maintenant on va passer avec Thor, ça s'appelle Lightning Strike Again. Bonne écoute! Lightning strikes again. Donc un super morceau donc de Thor avec Lightning Strike Again. Il y a beaucoup de bruit derrière moi en plus. Maintenant on va s'écouter Sabbath Grace. Le morceau s'intitule After the Fall from Grace. Bonne écoute. C'est sorti en 1986, l'album s'appelle After the Fall from Grace, comme le morceau qu'on vient d'écouter. Et le groupe donc s'appelle Savage Grace. Allez. Nous sommes les seuls à proposer ça, alors restez à l'écoute. Sur Radio Heavy Metal. Et ouais, sur Radio Heavy Metal, donc une fois, donc le lundi, le premier lundi du mois d'ailleurs, c'est le spécial Metal 80 dans le Metal Express. Allez, voici maintenant Van Halen, ça s'appelle You Really Got Me. Bonne écoute! Halen, donc dans le Metal Express avec You Really Got Me. Tout de suite, voici Slayer, ça s'appelle Postmortem. Reality. Voilà, donc ça coupe très court, c'est le groupe Slayer avec Postmortem. Allez, voici maintenant une dédicace, et ça c'est Kiss, ça s'appelle I Want Made for Loving You, et puis il y aura deux autres dédicaces derrière, donc ça c'est de la part de Valérie Robas, pour son mari Henri, donc qui va voir, je ne sais même pas, c'est son anniversaire, donc je dis, bah voilà, bah on va lui souhaiter un très bon anniversaire. Allez, voici tout de suite Kiss. I was made for loving you, le groupe Kiss, donc ça m'a été demandé par Valérie Robas pour son mari Henri. Donc c'est son anniversaire jeudi, alors bon anniversaire Henri. Et puis elle m'a également demandé Foreigner. On va écouter donc ça avec I Want To Know What Love Is. Allez, bonne écoute dans le Metal Express. Take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Mountain I must climb, feels like the world upon my shoulder. But through the clouds I see love shine, it keeps me warm as life. Why don't you just show me? I'm feeling so much. Agent Provocateur est donc le cinquième album studio du groupe Foreigner, sorti le 7 décembre 2002, non, 1984, pardon, et le morceau qu'on a écouté s'appelle « I Want to Know What Love Is ». Allez, maintenant, voici encore une autre dédicace de Valérie Robas, et c'est Whitesnake qu'elle m'a demandé, donc un morceau « It Is Love ». Malheureusement, j'ai pas eu le temps de l'avoir, voici « I'll Go Again ». I don't know where I'm going, but I sure know where I've been. Hanging on the promises and songs of yesterday, and I've made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go. Searching for an answer, I never seem to find what I'm looking for. Lord, I pray you give me strength to carry on, 'cause I know what it means to walk along the lonely street. À l'instant, donc, c'était le Whitesnake avec Here I Go Again, donc c'était pour Valérie Robas. Elle m'avait demandé le morceau It Is Love, malheureusement j'ai pas eu le temps de le récupérer. Allez, on passe un petit jingle. Marre des radios ringards, écoutez-nous et faites la différence sur Radio Heavy Metal. Eh ouais, évidemment, sur Radio Heavy Metal. Allez, maintenant, j'ai une autre dédicace. C'est pas tout à fait une dédicace, mais on va dire ça comme ça. C'est Iggy Joe, donc, qui m'a demandé Wasp avec le morceau Alien. C'est certainement le meilleur album pour moi. Donc, Iggy Joe, j'ai du mal, hein. C'est le meilleur album et t'as fait de très bons choix. Donc le groupe Wasp, cet album est sorti donc en 1984, pour moi il est le meilleur. Et ça donc ça a été demandé par Easy Joe, donc tu as fait le très bon choix. Allez maintenant voici Sortilège et s'appelle Délire d'un fou. Encore C'est sorti en 1984, l'album s'appelait Métamorphose et le groupe donc s'appelle Sortilège. Et le morceau qu'on a écouté s'appelle Délire d'un fou. Allez, voici maintenant Testament et on va écouter le morceau Nobody's Fault. Je vous rappelle donc que vous êtes dans le Metal Express et que ce soir, c'est le spécial Metal 80. C'est Eric avec vous jusqu'à 21h. To the sky, the puppets are all stinking drunk. I know the reason why. superbe reprise donc d'Ira Smith, Nobody's Fault. Donc le groupe Testament, extrait de l'album The No Order, c'est sorti en 1988. Allez, maintenant voici Scorpion avec Passion Rules the Game. Savage Amusement est donc le 10e album du groupe de hard rock allemand Scorpion. Il est sorti le 16 avril 1988. Le morceau qu'on a écouté donc à l'instant, Passion Rules the Game. Allez, maintenant on va écouter Megadeth et ça s'appelle Anarchy in the UK. Anarchy. Anarchy in UK. Donc cet album est So Far So God So What. C'est le troisième album donc de Megadeth qui est sorti en 1988 chez Capitol. Il s'agit du seul album sur lequel figurent le guitariste Jeff Young et le batteur Chuck Beller. Allez, maintenant on va s'écouter Def Leppard et ça s'appelle Photograph. Donc le troisième album du groupe de hard rock anglais Def Leppard, il est sorti le 20 janvier 1983 sur le label Vertigo Records et il a été produit par Robert John Muttlange. Pour moi, c'est un album qui restera culte. En attendant, voici Venom, ça s'appelle Bloodlust. Bonne écoute dans le Metal Express, il nous reste à peine un quart d'heure. Come on. C'est sorti en 1986, c'est un single, donc le groupe Venom avec Bloodlust. Allez, maintenant on va écouter un groupe français au nom de H-Bomb et le morceau qu'on va écouter s'appelle Coup de Métal. Bonne écoute! De métal, donc c'était le groupe français H-Bomb. Voici maintenant Black Task avec le morceau The Terminal Frost. We'll be right back. C'est sorti en 1986, l'album s'appelle Long After Midnight et le groupe s'appelle Black Task. Voilà, donc il est déjà l'heure de nous quitter, malheureusement. Le prochain Metal Express spécial Metal 80, ce sera le 2 juillet, notez bien, le 2 juillet. Quant à nous, bah, on se retrouve lundi prochain, à la même heure, 19h-21h, il y a encore pas mal de nouveautés. Je vous rappelle donc que l'émission sera rediffusée sur Canal Fuzz Radio demain, mardi, à 20h jusqu'à 22h, et puis également sur Radio Fréquence Zik. Ça, c'est dimanche, à partir de 21h jusqu'à 23h. Je vous rappelle que Radio Heavy Metal a sa page Facebook, donc si vous avez envie de m'écrire, n'hésitez pas. On a également la page Facebook du Metal Express, là également, si vous avez envie d'écrire, vous n'hésitez pas. Je vous donne un boîte mail, au cas où, c'est radioheavymetal76@gmail.com. Vous êtes un groupe de rock, un groupe de hard rock, vous n'hésitez pas, si vous avez envie de passer à l'antenne, vous me contactez. Ah oui, je voulais vous dire, donc la semaine prochaine dans l'émission du Metal Express, il y aura des CD du groupe Agiro à gagner. Donc soyez présents, parce que ça vaut le coup. Je vous rappelle donc que leur EP s'appelle le Dance Witch of My Shadow. Et c'est un excellent EP. Et j'ai encore été les voir vendredi en acoustique à Fécamp. Et c'était excellent. Le podcast de l'émission donc sera pour demain, voire demain midi ou voire demain après-midi. Et ça, ce sera sur la page Facebook Radio Heavy Metal et également sur la page Facebook du Metal Express. Allez, moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao. À lundi.